L'actualité à Nancy et ailleurs. Père Isaac et Alexis, bonjour. Bonjour. Bonjour Fabienne. Vous êtes respectivement coordinateur et membre d'un tout nouveau groupe qui est en train de se constituer sur Nancy et qui va avoir pour mission d'aller à la rencontre des jeunes lycéens à la rentrée prochaine. Ce groupe s'appelle Agis Nancy. Père Isaac, déjà, est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus sur ce groupe, qui le constitue et quels sont ses objectifs? Agis Nancy, c'est une abréviation en toutes les lettres et c'est avec les jeunes. C'est un projet pour les jeunes. Il est né de l'initiative des chrétiens de la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, d'âge et de profil différents, des filles et des garçons, des laïcs et des prêtres, avec un objectif très précis. Ils sont passionnés de rencontres simples et vraies à proposer aux jeunes lycéens. Aux jeunes lycéens en particulier. Oui. Alexis, toi tu es jeune, étudiant. Pourquoi tu as rejoint ce groupe qui a pour mission d'aller rencontrer des lycéens? Ça me permet de vivre une activité concrète en tant que paroissien, de faire vivre la communauté. Donc moi je suis étudiant, je suis pas lycéen, mais je pense qu'il y a quand même une passerelle qui peut se créer entre les lycéens et les étudiants. J'aimerais qu'on puisse vivre une année forte, intense en émotions. Et en rencontre. Et en rencontre, effectivement, parce qu'on vous a proposé un gros programme. Envie de rencontrer des lycéens, envie de transmettre aussi des connaissances, des passions, des endroits aussi peut-être, parce qu'on va voir que parmi ces propositions, il y a des choses bien différentes. Père Isaac, vous pouvez déjà nous dire quels sont les projets pour la rentrée prochaine à destination des lycéens justement de Nancy? Oui, nous avons déjà 3 projets que nous allons proposer. Le premier, c'est le volet solidaire. Donc, nous allons proposer une participation aux lycéens à une collecte d'aide aux autres lycéens d'un village très pauvre du Burundi. Et notre volet, ça, c'est la balade. Des balades seront organisées. Ce sera pour nous, en tant que jeunes, des occasions de nous rencontrer pour nous amuser, pour nous ressourcer et plus de profiter de la nature. Un projet solidaire avec le Burundi. Oui. Parce que je crois que Père Isaac, il connaît un petit peu ce pays. Oui, je connais ce pays parce que c'est mon pays d'origine. Voilà. Ce lycée se trouve dans mon village d'origine. Et donc là, c'est proposer aux jeunes nancéens d'être solidaires d'une école au Burundi. Oui, pour participer à la scolarité, la scolarisation d'autres jeunes démunis. Et là, donc, je crois que déjà, il y a des dates. Il y a une rencontre de prévue pour présenter le Burundi. Aux lycéens en particulier. Oui, il y a une date qui est prévue, c'est le 2 octobre, un samedi le 2 octobre. Certainement autour d'un film, mais on en reparlera. Oui. L'autre proposition, c'est un projet un peu découverte nature et balade. Oui. Là aussi, il y a des dates déjà? Il y a une date, une semaine après, le 10, samedi le 10, il y aura une balade. Le point de départ sera à la cathédrale. Et puis, il y a un troisième projet. Avec Radio Fadjet. Avec Radio Fadjet. C'est à destination de tous les jeunes qui veulent faire entendre leur voix. Donc nous aussi, on n'a pas la date de la première, mais on sait que ça se déroulera un mercredi par mois, à 16h30, sur le créneau de À vous l'antenne. Donc, exactement. Donc voilà, il n'y a pas de sujet prédéfini. On choisira avec les jeunes qui voudront participer. Pareil, chaque jeune n'est pas obligé de participer à toutes les émissions. On débattra effectivement librement, avec la parole donnée aux jeunes sur des sujets qui les intéressent et qui leur tiennent à cœur. Donc 3 beaux projets à destination des lycéens, on le redit, portés par un groupe de chrétiens, des hommes, des femmes, des prêtres. Ce groupe s'appelle Agis Nancy. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir, dès à présent, trouver les informations? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent où on peut retrouver les dates, les propositions? Il y a 2 moyens de trouver l'information. Le premier moyen, c'est qu'il y a des flyers qui sont déjà disponibles, qui seront distribués aux églises et qui constituent la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. C'est à la cathédrale, à Saint-Vincent-de-Paul et à Saint-Nicolas. Mm-hmm. Deuxième moyen, c'est le site de la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Vous tapez paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, vous arrivez sur l'actualité, c'est ce que vous trouvez, vous tombez déjà sur cette information-là. Donc, des flyers qu'on va bientôt retrouver dans les églises de la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, le site de la paroisse et Alexis, d'autres moyens aussi de rejoindre les jeunes? Tout à fait, puis bien sûr les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver déjà sur Instagram avec notre page agisnancy54. Vous l'avez peut-être vu déjà passer. Il y a plusieurs publications et puis chaque fois qu'on aura des nouveautés, des actualités, elles seront publiées. Et donc, en plus d'Instagram, il y aura également bien sûr une page Facebook qui sera actualisé. Qui est en cours de constitution. En cours de constitution, mais qui, voilà, retrouver qui sera alimenté toute l'année. Ça sera aussi un lieu d'échange. Et donc, ces flyers ensuite, ils vont être distribués auprès des jeunes lycéens. Oui, la distribution se sera en deux temps. Voilà. La première distribution qui se fait pendant l'été, c'est au niveau des églises de notre paroisse. Notre distribution aura lieu à la rentrée auprès des lycées, notamment le lycée Charles de Foucault, Jeanne d'Arc, Saint-Dominique, Sifflet, Pointe-Calais et Loritz. Le lycée du centre-ville, en fait, de Nancy. Oui, exactement. Alors, une question, est-ce qu'il faut être chrétien pour rejoindre une de ces propositions? Non. Pas du tout. Ça s'adresse vraiment à tous les lycéens. C'est à tout le monde, à tous les lycéens. Et l'objectif, c'est vraiment la rencontre et d'échanger, de partager un peu des expériences et des découvertes. Ah oui. Donc, on le redit, vraiment une belle proposition qui va démarrer dès septembre prochain. Agis Nancy, retenez bien le nom de ce groupe, avec trois belles propositions, de la solidarité, de la découverte nature et un projet d'expression en lien avec Fadjet et de participation à des émissions. Merci Père Isaac, merci Alexis pour cette première présentation. Et puis n'hésitez pas à aller déjà faire un tour aussi sur les réseaux sociaux et sur le site de la paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Et on vous attend nombreux. Bel été à vous et avec Fadjet, où que vous soyez. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.